sauveur, mes prises rejetées comme une rose foulée par vos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé par-dessus tout, par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, méprisé, rejeté, comme une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, crucifié une fois encore, crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, méprisé, rejeté, comme une rose, foulé par nos pieds. Tout. Seigneur, nous te remercions ce matin pour cet amour. Même dans nos péchés, Seigneur, tu nous as aimés. Et Seigneur, ce matin, nous reconnaissons cet amour. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, même dans la pluie, Seigneur, nous sommes ici. Merci. Seigneur, nous prions ce matin pour ta parole. Seigneur, que cette parole nous bénisse. Seigneur, que ton esprit prépare nos cœurs pour recevoir cette parole. Seigneur, merci ce matin. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale ce matin? Alléluia. Wow, est-ce que tu peux regarder ton voisin et féliciter ton voisin parce que dans la pluie. On dit félicitations. Alléluia. Je pense que les œufs sont en route. Yeah, alléluia. Ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Et parler du sang de Jésus. Alléluia. Et de notre salut. Je pense que si tu venais depuis quelques semaines, maintenant tu comprends ce que c'est le salut. Alléluia. Et tu es en train de comprendre ce que le sang de Jésus a fait dans nos vies. Alléluia. Et on ne doit pas mépriser ou bien sous-estimer le sang. Alléluia. Ou bien sous-estimer notre salut. Amen. Yeah. Parce que la plupart des temps, nous nous réjouissons plus lorsque on a, on a un miracle dans nos vies. Un miracle physique, par exemple, un miracle de guérison, un miracle de quoi? De prospérité, par exemple. Alléluia. Lorsqu'on reçoit de l'argent, on se réjouit plus. Alléluia. Lorsqu'on a un bilan, c'est une célébration. Yeah, on célèbre. Alléluia. Lorsqu'on a réussi à un examen, c'est une grande célébration. C'est un agapé qu'on fait à la maison. Lorsqu'il y a l'anniversaire, c'est beaucoup d'agapé. Toute la nuit, on ne dort pas à cause de l'anniversaire. Ou bien, yeah. Mais ce matin, je vais vous dire que le plus grand miracle que nous avons, c'est le salut. Alléluia. Et nous devons, comme église, ou comme chrétien, commencer à nous réjouir. Alléluia. Lorsque il y a quelqu'un qui est sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. c'est le plus grand salut. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 3. OK, Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Comment échapperons-nous? Hein? Est-ce que la Bible nous dit? En négligeant un si grand salut. Un si grand salut. Un si grand salut. Le salut est grand. C'est un grand miracle. Alléluia. C'est le plus grand miracle que tu peux avoir. Parce que la Bible dit que comment est-ce qu'on peut avoir toutes les richesses de ce monde et perdre notre âme? Alléluia. Si tu as toutes les richesses de ce monde et tu n'as pas le salut, c'est inutile. C'est inutile. Ça ne dit rien. Ça ne vaut rien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un si grand salut, on ne peut pas. Alléluia. On ne peut jamais négliger le salut. Faut pas négliger ton salut. Alléluia. Lorsque tu te lèves chaque matin, faut te réjouir, dire Seigneur, merci pour le salut. Merci pour mon salut. Merci parce que je suis sauvé. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Et donc ce matin, je vais vous donner quelques expériences qui nous montrent pourquoi le salut est si grand miracle. Le plus grand miracle que tu peux avoir. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Alléluia. La première des choses, hein, le salut est grand parce que c'est un miracle de pardonner quelqu'un. Alléluia, c'est un miracle. Lorsqu'on dit que je te pardonne, c'est un miracle. Parce que normalement, on ne va pas te pardonner. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un verset qu'on a lu la semaine passée dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Alléluia. Venez, plaidons. OK. Alléluia. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui arrivent? C'est pas facile, c'est pas facile. Alléluia. Mais on est contents, ils sont là. Alléluia. Yeah. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Venons, plaidons. Si vos péchés, c'est un miracle de recevoir le pardon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est pourquoi le Seigneur ne te pardonne pas lorsque tu ne pardonnes pas ton voisin. Yeah. Yeah. Si le Seigneur ne va pas te pardonner, parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un d'autre. Yeah. Parce que c'est si grand, c'est si précieux, c'est si important. Alléluia. Que tu ne peux pas comparer ton salut, bien le pardon que tu as reçu à toutes les richesses de ce monde. Yeah. On ne peut pas comparer ton salut, le salut de ton âme, à toutes les richesses de ce monde. Donc le salut est grand, est plus grand que toutes les richesses de ce monde. Donc c'est le plus grand miracle que tu peux avoir. Alléluia. Donc si tu es sauvé ce matin, il faut savoir que c'est grand. Grand, il faut garder ça. Comme de l'argent que tu gardes. Alléluia. Tu ne laisses personne prendre ton argent. Tu ne peux pas laisser ton argent à la gare, à la station. Alléluia. Tu ne peux même pas à la station. On ne laisse même pas. Lorsque tu veux enlever l'argent de la poche, tu ne veux même pas que les gens voient que l'argent se trouve ici. On se cache et puis on prend l'argent. comme ça pour prendre l'argent. Hein? Surtout lorsqu'on a beaucoup de sommes d'argent dans nos mains, bien dans la poche. Ou bien, parce que quelqu'un va te poursuivre. Alléluia. Pour prendre cet argent. Mais la Bible dit que le salut est plus grand que toutes les richesses de ce monde. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc le salut est plus grand. Et il faut savoir, nous sommes toujours en train de parler du sang, parce que c'est le sang qui amène le salut. C'est le sang qui sauve. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Il y a l'histoire d'un homme qui a trouvé qui a trouvé sa femme dans l'acte avec un autre homme. Alléluia. Yeah. Yeah. Et tout le monde, tout d'un coup, immédiatement, parce que ça là, c'est le divorce. Alléluia. Mais l'homme a surpris tout le monde en disant que non, je te pardonne, je te prends. Est-ce que c'est pas un miracle? C'est la même chose. C'est un miracle. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est un miracle. C'est un miracle. Il faut penser à tous les péchés que tu as fait dans ce monde. Il faut penser à tous les péchés. Alléluia. Et le Seigneur dit, non, je te pardonne. Alléluia. Je te pardonne, je laisse tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Donc c'est un miracle. Un miracle. Un miracle. Parfois on essaie de mettre les péchés dans des catégories. Alléluia. Mais tout péché, c'est péché. Tout péché, c'est péché. Donc si le Seigneur t'a pardonné, il faut considérer ce péché comme c'est vraiment grave. Et le Seigneur dit non. Ça va. Il y a pas, il dit même viens. Venez. Il dit viens. Il veut raisonner avec toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il veut que tu viennes. C'est lui-même qui t'appelle. Hein? Si quelqu'un t'offense, est-ce que c'est toi qui l'appelle la personne? Viens, que je te pardonne. Je veux raisonner avec toi. Est-ce que c'est possible? Non. Plutôt, on dit non, je veux pas te voir. Je ne veux plus te voir. Alléluia. Donc, c'est un grand miracle lorsque quelqu'un te pardonne. Bien, Dieu nous pardonne et nous donne le salut. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Aujourd'hui, il pleut beaucoup, donc on va pas durer ici. Forgive. Deuxième chose qui est dans le même verset, Ésaïe chapitre 1, verset 18. C'est un grand miracle. Le salut, c'est un grand miracle parce que c'est un miracle lorsque on efface tous tes péchés. On lave. On ne voit plus le péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On ne voit plus le péché. Le péché, le Seigneur te regarde. Tu es blanc comme la neige. Alléluia. Tu es blanche comme, il n'y a pas de tache. Lorsque tu es sauvé, il n'y a plus de tache. Pas de tache de mensonge. Pas de tâche de fornication, pas de tâche de tout ce que tu as fait, d'avortement, de tout ça là, il n'y a pas de ces tâches. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Blancs comme la neige, blancs comme la laine. Blanc. Est-ce que c'est pas un miracle? Dans ce monde, on ne fasse pas tes péchés. Oh. Dans ce monde. Dans le monde. Lorsqu'on te mène on t'amène à la police, la première des choses, c'est de donner un papier, et puis tu écris. Et on garde ces rapports. On garde tout ça là, dans quelque part. Ou bien, yeah, on va garder. Tu fais quelque chose, on garde. Même dans les pays développés, ils ont un moyen de garder des informations. Tout ce que tu as fait dans ce monde, on les garde. Ou bien, yeah. Un jour tu viens, il y a quelque chose, ok, on seulement met ton numéro ou bien ton nom. Tout ce que tu as fait, c'est fini. À l'ambassade, on dit non, on ne va pas te donner le visa. Parce qu'une fois tu es venu prendre le visa, tu as menti. Ou bien, et tu risques de ne pas voyager dans ce pays. Tu risques. Toute ta vie, c'est fini. Parce que tu as fait quelque chose de... Tu as menti. Alléluia. Mais le Seigneur dit non. Le Seigneur, non, il ne garde pas. Alléluia. Il y a une femme de Dieu qui a une vision un jour, qui allait au ciel. Alléluia. Il est entré, Jésus l'a amené dans une chambre. Il y a beaucoup de livres. Alléluia. Dans cette chambre. C'est la même chose dans la vie, Apocalypse. Beaucoup de livres. Et la Bible dit que ces livres, dans ces livres, on écrit tout ce que tu as fait. Tous ces actes, tes œuvres sont dans ces livres. Alléluia. Et un jour, au jugement, la Bible dit qu'au jugement, les livres seront ouverts. Ah. C'est pas la blague. C'est pourquoi lorsque on prie la prière de salut, on dit quoi? Écris mon nom dans le livre de vie. Parce qu'il y a un autre livre dans lequel on écrit le nom de ceux qui sont sauvés. Donc la prière qu'on fait là, c'est pas pour dire comme il y a. Non. C'est spirituel, c'est réel. Il y a un livre, on écrit les noms de tous ceux qui sont sauvés. Il y a d'autres livres qu'on écrit tout ce que tu as fait. Il y a un livre qui prend tout les péchés que tu fais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, donc c'est il faut savoir que tout ce que tu fais, tu es en train de te cacher. La Bible dit que tu es. Non, ok, je vous parle de la vision. Donc on l'a amené dans la chambre. Elle a vu tous les livres. Et donc, le Seigneur Jésus lui a montré ce qui se passe lorsque quelqu'un donne sa vie à Dieu. Donc, lorsqu'on a entré dans ces chambres-là, les livres sont là. Et puis, le Seigneur Jésus l'a montré le monde. Il y a quelqu'un qui est en train d'être sauvé. D'accord? Fait la prière du salut pour recevoir le salut. Et donc, le Seigneur Jésus l'a ouvert le livre qui contient tous les péchés de cette personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait il y a du liquide, on a mis du liquide dans un bassine, quelque chose comme ça. Yeah. Et puis, on a pris le truc là, liquide là, versé sur le livre dans lequel se trouvent les péchés de cette personne. Et puis après, tout est effacé. C'est comme on n'a rien écrit dans le livre pour cette personne. Tous ses péchés sont effacés. Alléluia. Et donc, c'est ce qui se passe lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Le Seigneur, c'est pourquoi? C'est ce verset. Si tes péchés sont comme de quoi? Comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, lave tout. C'est comme tu n'as rien fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ton salut à la légère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On te lave. C'est un miracle. On lave tout. C'est comme tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien. Tu n'as jamais tué. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais volé. Alléluia. Tu n'as jamais volé. Parce que la plupart des temps, il y a Kenneth Hagin qui a donné une histoire d'une femme qui est devenue chrétienne longtemps après, 20 ans. Et la femme est toujours dans la tristesse, est toujours dans la condamnation. Alléluia. Elle se sent coupable. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des péchés dans le passé, plus de 20 ans, et toujours elle pense que c'est pas possible que le Seigneur la pardonne. Et toujours elle se condamne toujours. Et donc, c'est après 20 ans, elle veut même se suicider. Parce qu'elle pense que non, c'est pas possible que le Seigneur la pardonne de tous ses péchés. Alléluia. Et donc, il a pris le temps de l'expliquer par la parole de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur efface? Le Seigneur ne se souvient plus. Et parfois, on dit que lorsque tu te demandes pardon, oublie le péché. Parce que le Seigneur a oublié, il a effacé, il a oublié. Lorsque tu reviens, c'est comme tu rappelles, Seigneur, tu le rappelles du péché que tu as fait. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un miracle? C'est un grand miracle. Nous, les hommes, on n'oublie jamais. Parfois, on dit que je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Hein? L'homme est méchant. Nous sommes méchants. C'est qu'on dit, le Seigneur a tant aimé le monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit, a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia! Ne périsse point, il a lavé tout. Tout, il ne voit plus. Tu es blanc, tu es blanche. Tu es blanc. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? C'est bon? C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Troisième chose. C'est un miracle de libérer quelqu'un de la prison. Le salut est un grand miracle parce que c'est un grand miracle de libérer quelqu'un de la prison. Hein? Yeah, c'est un miracle. C'est un miracle. Le Seigneur nous a libérés de l'enfer. Alléluia. Et donc, c'est un miracle. Un grand miracle. Un grand miracle. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Le salut est un miracle. Le salut est un miracle. Alléluia. Luc chapitre 4. Verset 18. Luc 4. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Verset 18, Luc chapitre 4, verset 18. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer aussi libres les opprimés. Alléluia. Yeah. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Yeah. Lorsque le Seigneur était crucifié le premier jour, on l'a enterré. La Bible dit que durant le temps, les trois jours avant sa résurrection, il est allé dans l'enfer pour libérer les captifs. Yeah. Pour libérer les captifs. Pour les libérer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Pour les libérer. Pour les libérer. Et donc, lorsque tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Dieu, le Seigneur te libère de l'enfer, de cette prison. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que normalement, dans le monde, la prison ne va pas facilement te libérer. Yeah. Tu devais passer 5 ans, bien 10 ans dans la prison. Alléluia. 10 ans dans la prison. Un jour, il y avait un frère qu'on a arrêté parce qu'il fumait le truc là. Alléluia. Yeah, il fumait. Yeah. C'est le mois passé, ou bien je pense en février ou bien en mars. Hein. C'est pas longtemps. Parce que j'étais avec lui à la police. C'est pas facile. Hey! Et lorsqu'on est arrivé à la police, non, il était avec les amis. Il a arrêté parce que maintenant il est chrétien. Il a arrêté depuis quelques années. Et donc il a rencontré les amis avec qui il fumait. Donc le désir. Elle dit, oh non, moi j'ai arrêté, oh non, elle dit, oh mais c'est un peu, et c'est un peu. Et puis, il a pris, il a essayé. Et puis, malheureusement, bien heureusement, l'ami est parti, il a laissé là-bas l'endroit. Et puis, il était resté seul. Et puis, la police est arrivée. L'ami est parti. Hein? Il faut faire attention. La Bible est réelle. Lorsqu'on dit mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, il est en train de développer des bonnes mœurs. Mais parce qu'il a rencontré la mauvaise compagnie. Corruption. Corruption. Donc si tu as un ami qui ne pense pas comme tu penses, qui n'est pas sauvé comme tu es sauvé, qui n'a... Il faut faire attention. Là, il faut faire attention. Alléluia. Donc l'ami est parti, il est laissé dans l'endroit et puis la police est arrivée. Et puis on l'a pris. Le soir, il a passé la nuit à la police. Donc on est arrivé le matin. La police a dit pour ce, comment on dit, cet acte, il n'y a pas de bail. Bail en français, c'est comment? Bail. Liberté sur caution. Ah, il n'y a pas ça. On ne donne pas le bail. Liberté sur caution. Non. Et puis tu vas passer. Il dit combien d'années? Je ne sais plus, 10 ans, bien 15 ans. Hein? En 10 ans et 15 ans dans la prison. Yeah, pas de amis, c'est automatique. C'est automatique. Alléluia. Et c'est, je ne sais pas, c'est pas une certaine grâce. On l'a pas, on n'a pas, comment dire, on n'a pas, comment on dit, je ne sais même pas. On n'a pas encore mis cet acte-là, il n'a pas encore écrit dans le cahier qu'il a avant notre arrivée. Donc c'est la seule chose qu'il a sauvée. Sinon maintenant là, il devait déjà... Alléluia! Est-ce que vous comprenez? La prison, tu vas subir, tu vas passer les années, la personne. Personne. Donc pour nous les chrétiens, on devait passer tout le reste de nos vies. Maintenant, on arrive dans l'enfer, on va passer tout le reste éternel dans la prison, dans l'enfer. Mais le Seigneur a dit non, je ne veux pas. Et il nous a libérés par le sang de Jésus. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Yeah, le gars, c'est un miracle, hein? C'est un miracle. Un miracle. Normalement, là, la police au Ghana, ici, on va te mettre, on appelle une place Kantabak. Kantabak. C'est pas la prison, mais c'est à la police là-bas. Une partie, on garde la cellule, c'est ça, non? On les garde là-bas. Donc, c'est dit que c'est une certaine grâce qu'il a eue qu'on a, on l'a pas mis là-bas. Yeah. Lorsqu'on est arrivé, ils ont gardé dans leur bureau là-bas. Donc, on est arrivé, donc il était assis là-bas. Il a dit, lui là, il a chance. Dieu l'a sauvé, sinon. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, quand on te met dans la prison, c'est fini. On va te, surtout avec le truc là, c'est pas facile. Même, on va aller à la justice, il n'y a pas, même pas, c'est automatique, tu vas en prison. Si c'est confirmé que tu es en train de fumer, c'est tout. Et puis lui, il a confessé, il est chrétien, donc il a confessé, il est fini. Donc c'est automatique, en prison. Alléluia. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, que la prison, on ne te libère pas comme ça. Non, tu vas passer, tu vas subir. Alléluia. Tu vas passer les nombres d'années là-bas, hein, avant ta liberté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur dit non. Non. Non. Je te libère. Et puis c'est fini. Donc c'est un grand miracle pour nous. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Quatrième chose. Je finis avec ça. Vous êtes bénis? Yeah. Le salut, c'est précieux, s'il vous plaît. C'est précieux. Si tu as le salut, ne laisse personne te faire perdre ce salut. Parce que tu vas perdre le salut. Yeah. Une fois sauvé, une fois sauvé, c'est fini. Non, c'est pas ça. Tu peux perdre ton salut. Si tu retournes dans ta vie ancienne, tu peux perdre ton salut. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, quatrième chose. Ok, je termine avec ça. Le salut est le grand miracle parce que c'est un miracle d'aimer quelqu'un qui a des problèmes. Qui a beaucoup de problèmes. Alléluia. Qui pense que nous avons beaucoup de problèmes? Yeah. Yeah. Surtout lorsque tu connais quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Chaque fois, il t'appelle, il vient à toi, c'est à cause des problèmes. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On sait d'éviter la personne. Bien. Yeah. On sait de non, que lorsque la personne appelle, mais on ferme le téléphone. On ne décroche pas. On dit, oh, je ne suis pas à la maison. La personne dit, oh, je viens. Dit, non, je ne suis pas à la maison. Alors que tu es à la maison. Yeah. Ce n'est pas aussi facile. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Vous êtes là? Ok? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore dans le péché, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Lorsque nous étions pécheurs, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés. Hein? Beaucoup de péchés. Lorsque nous étions dans la prostitution, lorsque nous étions dans le vol, lorsque nous étions faisant des bêtises, le Seigneur nous a aimés. Yeah. Aimer quelqu'un qui a des problèmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un qui a des problèmes, comment on dit, deformity, physical deformities. En français, c'est quoi? Handicap, ou bien déformation physique. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de main. Vous avez une fois vu ça? Ou bien quelqu'un qui n'a pas de pied. Ou bien qu'on a coupé des pieds. Ou bien, vous avez une fois vu ça, non? Yeah, lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas de pied et une autre personne qui a tous les membres dit que, oh, j'aime cette personne qui n'a pas de pied, qui n'arrive pas à marcher. Est-ce qu'on ne regarde pas, on est surpris? Ou bien, moi, naturellement, je dis, oh, wow, wow. Ou bien, yeah. Yeah. Tu vois ça, tu dis, wow, ça, c'est un grand amour. C'est un grand amour. Parce que c'est toi que je vais à qui je veux me marier. Yeah! C'est grand ou bien? Vous voyez ça, non? Yeah! C'est la même chose. Nous étions dans des pécheurs. Nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le Seigneur dit, dans vos péchés, alors que vous étiez dans des pécheurs, je vous ai aimé, je vais vous aimer. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Le plus grand miracle, c'est le salut. Yeah, le plus grand miracle. Donc, ne méprise pas ton salut. Ne sous-estime pas ton salut. Le salut est le plus grand miracle. Alléluia. Et ça ne vient pas le sang. C'est le sang qui fait ça. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous. Acclamez pour Jésus, oh, son sang. Son sang nous a sauvés. Alléluia. Son sang nous a sauvés. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Alléluia. Fermez les yeux. Crucifié, est-ce qu'on peut chanter une fois? par-dessus tout. Par-dessus tout. Oh, crucifié. Crucifié. Seul abandonné. Tu as souffert. Méprisé. Méprisé. Rejeté. Adore le Seigneur ce matin. Il nous a tant aimés. Il a souffert pour nous. On l'a méprisé pour nos péchés, pour notre salut. Est-ce que tu peux le remercier ce matin pour ce miracle de salut? Ce miracle de salut. Oh, il t'a sauvé, pardonné, libéré de la prison. Oh, il ne voit plus les péchés. Il ne voit plus. Il ne voit plus. Il ne voit plus. Oh, si tu as une fois fait des avortements, il ne voit plus. Si tu as volé, il ne voit plus. Menti, il ne voit plus. Forniqué, il ne voit plus. Si tu crois en lui, si tu as prié, tu as demandé pardon, il ne voit plus. Tu es blanc comme la neige, comme la laine. Oh, les bros, Seigneur, merci. Merci pour le salut. C'est un grand miracle, Seigneur. C'est un grand miracle pour nous avoir pardonné, pour nous avoir libéré. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, merci ce matin pour nos saluts, parce que c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Et nous nous réjouissons, Seigneur. Nous allons nous réjouir lorsque quelqu'un reçoit le salut. Seigneur, merci. C'est une célébration, Seigneur. C'est une célébration de voir quelqu'un donner sa vie à Dieu. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci. Le livre qui contient nos péchés, Seigneur, maintenant c'est vide. Il n'y a plus rien écrit dans ce livre. À cause du sang de Jésus qui nous a sauvés et qui a lavé nos péchés, Seigneur. Seigneur, merci ce matin. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Tu es là ce matin. Tu es là, les yeux fermés, s'il vous plaît. Tu es là ce matin. Peut-être que tu n'es pas sauvé. Tu as écouté la parole de Dieu. Et tu vois, non, je veux, je crois. J'ai besoin du salut ce matin. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier pour que tu reçoives ce miracle ce matin. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Si tu es là, tu veux recevoir ce salut, ce miracle ce matin. Tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main. Lève la main pour recevoir le salut. Merci mon frère. Merci. Toi aussi, tu veux recevoir ce miracle ce matin. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu veux recevoir. Tu veux recevoir, maintenant c'est clair, tu comprends maintenant. Tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être que c'est ta première fois aujourd'hui. Et tu as été touché. Le Seigneur t'a parlé et tu veux donner ta vie. La Bible dit, à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. À moins que tu as le salut, tu ne verras pas Dieu. Et tu seras en prison un jour. Tu vas passer l'éternité en prison. Et tu n'auras pas l'opportunité de te libérer. Tu as l'opportunité maintenant. Le Seigneur dit, viens. Viens, raisonne avec moi, plaide avec moi, je suis prêt pour te pardonner. Si tu crois en Jésus que j'ai envoyé, si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Merci, merci. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? On va prier, viens, mon frère, viens. Alléluia, alléluia. Fermez nos yeux, fermez vos yeux s'il vous plaît, et répétez. Dis Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je crois, j'ai besoin du salut. J'ai besoin du sang de Jésus qui a été versé pour me pardonner, pour me laver, pour me libérer, pour m'aimer ce matin. Seigneur, je confesse qu'il est mon sauveur et je le demande, je l'invite dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir le reste de ma vie. Seigneur, merci pour la liberté, pour l'amour. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, je prie que tu nous donnes la grâce de te servir, l'onction de te servir. Au nom de Jésus, Seigneur, change sa vie. Bénis-le, Seigneur, au nom de Jésus, dans ses études, Seigneur, bénis-le. Dans sa famille, qu'il soit identifié et qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Seigneur, merci, au nom de Jésus. Amen.